sera. Y'a ceux qui courent après le temps, même si tout devait s'arrêter en un instant. Il y a ceux pour quelques places, jouent des coups de quoi qu'il en coûte. Gagner d'elle.